plage de sable. Sans le regard des sages, on s'étale sous un ciel sans nuages. Pas de livre d'images, ni rien de misérable, on s'évade. Ce doit être un mirage. Ces mots ne seront jamais aussi doux. Le sable d'Arougamé en plein mois d'août. Font de l'ombrage sur nos corps sans visage, on s'enlace, pas le temps d'un orage. La lune est un présage, elle invite au voyage, on s'égare, on s'invente une histoire. Seront jamais aussi doux. Le sable d'Arougamé en plein mois d'août. Le sable d'Arougamé en plein